Chapitre deuxième. Des jours et des jours avaient passé depuis cette visite à San Spirito in Val d'Elsa. J'avais continué de courir le monde, en proie à l'insatiable curiosité qui m'a promené d'Irlande en Palestine et d'Athènes aux États-Unis, à travers les paysages et les mœurs, les sensations d'art antique et de vitalité nouvelle, les rêves d'histoire et les visions d'avenir, infatigablement et peut-être inutilement. Que de fois, allant ainsi, je m'étais reporté en pensée vers ce coin de Toscane, où j'avais pu contempler une existence si contraire à la mienne, une destinée tout entière occupée à la même œuvre pieuse, dans le même angle de la même province. Oui, que de fois, emporté par un train, accoudé sur le bastingage d'un paquebot, défaisant ou refaisant mes malles dans une chambre d'hôtel, j'avais évoqué la belle et reposante image de Don Casalta, célébrant la messe dans la chère église dont il avait tant aimé toutes les pierres. Une œuvre de beauté à laquelle participer, un horizon de nature auquel s'attacher, et que cette œuvre de beauté soit en même temps une œuvre de foi, que cet horizon soit celui où vécurent et moururent nos aïeux, le ciel et le sol de notre race. Y a-t-il au monde une plus admirable, une plus enviable fortune? Et quand le sort nous donne, avec cela, un pur et tendre génie féminin pour l'associer à notre action, une pia, pour en faire notre élève d'idéal, la confidente et la compagne de notre dévotion, quel poème réalisé! Je me disais, j'ai cependant connu un homme heureux, et je me promettais de retourner à San Spirito pour m'ennoblir les yeux et l'âme au spectacle de ce bonheur. Et puis, à chacun de mes séjours en Italie, un contretemps s'opposait à ce pèlerinage, que j'ai pourtant fini par accomplir, trop tard, comme tant d'autres retours sans cesse reculés, qui eussent été très doux, et à moi et à d'autres. On sait cela, que les heures sont comptées à l'homme qui doit mourir, et on agit comme si le trésor de ces heures était inépuisable, l'occasion indéfiniment renouvelable et nos amis éternels. C'est de Sienne encore et au printemps de 1896 que j'entrepris enfin cette seconde excursion vers l'ermitage de Don Casalta. J'avais laissé 11 années tomber sur ma première impression de San Spirito, mais comment croire que vraiment ces 11 années, plus d'un dixième de siècle, se fussent écoulées entre ces deux visites, quand je retrouvais toutes choses à Sienne exactement telles que je les avais laissées. Rien n'avait bougé dans cette ville de toutes les immobilités, où chaque pierre de chaque palais semble devoir rester identique et inébranlable à la même place, jusqu'au jour du jugement dernier. Et l'on dirait que les gens participent à cette pérennité du décor où ils vont et viennent. À peine les longs cheveux et la barbiche du patient Amilcar Martini avaient-ils blanchi un peu davantage. À peine son visage d'infatigable restaurateur de peinture s'était-il plissé de quelques autres rides. Mais je l'avais retrouvé dans la même salle du même musée, assis devant San Di Pietro semblable à tous les San Di Pietro, mastiquant, avec ses mêmes doigts industrieux, le même or écaillé, des mêmes auréoles autour des mêmes têtes d'apôtres. Quand je lui avais demandé quelques renseignements sur San Spirito in Val d'Elsa et sur son archiprêtre, l'adorateur des peintres siennois m'avait répondu avec sa même incuriosité de jadis pour tout ce qui n'était pas son musée. « C'est vrai. Après ce que vous m'aviez dit, je suis allé pour voir la table de Bicerna que ce Don Casalta possédait. Vous aviez raison. C'était une œuvre de Neroccio et très bien conservée. Il n'a jamais voulu nous la vendre. Je lui ai fait écrire par l'archevêque. Il a encore refusé. Je ne sais plus rien de lui. » J'étais donc parti en expédition, sans autre renseignement sur l'actuel état de la basilique et de son desservant. Cette fois, je n'étais pas seul. J'avais pour compagnon, dans ce petit voyage, un singulier garçon, un camarade de cercle, rencontré à Sienne, et qui n'était vraiment pas l'homme à entraîner dans une pareille visite. Si, en effet, le mot de scepticisme, interprété dans le sens ordinaire, a jamais pu être appliqué à quelqu'un, c'est assurément à ce Parisien de 40 ans que je m'étais figuré jusque-là partout ailleurs que dans une église du 8e siècle. J'avais, en acceptant sa compagnie pour ce voyage à San Spirito, cédé à la plus inexplicable faiblesse et dont je me repentais avant même le départ du train. Mais comment répondre non à un compatriote de votre âge et de votre monde, avec qui l'on dîne sans cesse à Paris, avec qui l'on vient de causer à une table d'hôte, dans la chaleur involontaire des souvenirs communs, et qui vous demande « Où allez-vous demain ?» Et l'on fait ce que je fis. On donne étourdiment le nom de l'endroit où l'on se propose de visiter. On se laisse aller à raconter les détails qui vous y attirent. On vante la beauté d'un monument que l'on a découvert, comme j'avais découvert San Spirito. On esquisse en 2 ou 3 phrases, à demi moqueuses, à demi enthousiastes, la silhouette des originaux qui intéressèrent votre premier voyage. Et le résultat est qu'au lieu de s'acheminer seul, vers un pèlerinage d'émotions attendries, on y traîne avec soi tout le Paris que l'on est venu fuir parmi les hautes et sévères visions d'art, de nature et de piété. Dans le cas présent, j'avais du moins cette excuse que Bernard Delanove, ainsi s'appelait le compagnon accepté si maladroitement, n'est vraiment pas le premier venu. S'il a quelques-uns des pires défauts de la vaste corporation des viveurs oisifs à laquelle il appartient, Bernard en diffère par la supériorité de certains dons et par sa culture. Quoique non titré, il descend d'une très vieille famille dont il est parlé dans l'Étoile. Mais pour emprunter les termes mêmes du malicieux chroniqueur, il y a longtemps que le jeu, l'amour et la piaffe n'ont guère laissé au dernier Delanove que son nom est juste assez de rente pour que son conseil judiciaire lui verse par semestre de quoi payer son loyer, son tailleur et son valet de chambre. Delanove, cependant, n'a pas interrompu un seul jour une existence de célibataire élégant qui suppose 50 000 francs bonhomme mal an. Il monte à cheval au bois le matin et sur un cheval à lui, il déjeune et dîne dans les restaurants à la mode, il figure à toutes les premières dans son fauteuil d'orchestre. Il aime et il joue aussi cher qu'à l'époque où il se ruinait consciencieusement d'après la méthode usuelle. Ils sont ainsi un certain nombre à Paris, qui prolongent de la sorte, parmi d'invraisemblables difficultés et des expédients parfois sinistres, un train de vie qui, pour seule raison d'être, a la facilité. Souvent les moyens que ces demi-aventuriers emploient pour se soutenir sont inavouables. Souvent, et c'est le cas pour Delanove, ces soi-disant oisifs exercent, à travers l'étourdissement de leur distraction, un véritable métier, auquel ils s'appliquent avec une activité d'autant plus patiente et plus réfléchie qu'elle est plus dissimulée. Il en est qui sont remisiers à la bourse, et ceux-là emploient leur matinée du bois et leur soirée du monde ou du théâtre à entretenir des amitiés qui leur ont valu ou leur vaudront dans l'après-midi quelques fructueux courtages. D'autres mettent au service de quelque journal, français ou étranger, leur coûteuse expérience de la société qu'ils monnaient en écho exactement documenté, parfois aussi, cruellement, car l'habitude des besognes anonymes n'est pas très saine pour la conscience. Delanove, lui, passe pour pratiquer un autre système, lequel n'est pas à la portée des décabés vulgaires. Cet aimable causeur, aux yeux d'un bleu clair et doux, au sourire avisé, aux traits délicats, n'est pas seulement un homme de plaisir, c'est un artiste, dans la mesure où peut l'être quelqu'un qui n'a jamais fait d'études professionnelles et qui ne s'est jamais enfermé dans une spécialité. Il est musicien et j'ai entendu de lui plusieurs morceaux où il y avait de la grâce et du souffle. Il est un peu écrivain, et on a donné au cercle de la rue Boissy d'Anglas un proverbe de sa façon qui trop embrasse, fort lestement enlevé, ma foi. Il chante avec une voix très juste et très fraîche, et j'ai vu de ses pastels et de ses aquarelles fort présentables. Avec cela, il avait, au temps passé de ses splendeurs, le goût passionné des beaux meubles, des faïences rares, des tapisseries anciennes, des tableaux de choix. Quand il a fallu suffire aux dépenses de son luxe avec des revenus diminués des 9/10, il a commencé par céder ses objets d'art, un par un, non pas à des marchands, mais à des amis. Les bibelots ainsi vendus furent un beau jour remplacés par d'autres, lesquels ont été vendus et remplacés à leur tour. Bref, le dilettante est devenu une manière de brocanteur en habit noir et en gilet blanc, qui peut, dans toutes les maisons où il dîne, reconnaître ici un cartel, là une terre cuite, ailleurs un cadre, ailleurs un meuble, qui viennent de son petit entresol de la rue Marignan. Du moins, c'est la légende. Mais, fût-elle vraie, ce trafic est fait si légèrement, avec un tour de main si adroit, qu'il n'y a pas moyen d'en vouloir à cet habile personnage d'un commerce, au demeurant plus honnête que beaucoup d'autres. Delanove, en effet, s'y connaît un objet d'art, à croire qu'une des femmes de sa famille a trompé un de ses aïeux avec quelques rusés juifs hollandais. Il ne vend ses bibelots, tous très authentiques, qu'à des millionnaires en train de s'improviser une installation parisienne. Enrichi de la coulisse, grand seigneur russe ou polonais, potentat du pétrole ou du port salé, débarqué de New York ou de San Francisco, mania de la République argentine ou du Honduras. Il ne dupe personne, puisqu'il fournit à de vrais riches qui les désirent de vraies magnificences. Sa commission est donc bien légitimement gagnée. Et c'est un trait joli de sa nature qui sauve l'équivoque d'un pareil métier. Il ne s'est pas blasé sur l'objet d'art. Il est demeuré un amateur passionné et qui jouit de ce qu'il vend, avant la vente, comme s'il n'en devait tirer aucun profit. Ses mains palpent, ses yeux contemplent, avec une adoration sincère, toutes ces précieuses choses qui ne font plus que traverser son salon. Quand la dame de pique et celle de cœur ne lui sont pas trop cruelles, je gagerais qu'il refuse des marchés avantageux, afin de garder plus longtemps un meuble qui lui plaît, une arme dont la ciselure le ravit, une étoffe dont la nuance l'enchante. Si j'ajoute qu'il a développé en lui à mener cette étrange vie et à cacher jalousement ses réelles ressources, des souplesses de diplomate. Peut-être achèverais-je, sinon de justifier, au moins d'expliquer l'inconséquence qui faisait de lui mon compagnon dans son retour à San Spirito. Certes, un plus énergique aurait entrepris ce pèlerinage seul. Pour une fois, cette défense de ma solitude aurait eu tort, et sans la présence de ce viveur parisien un peu scrupuleux, je n'aurais pas assisté à l'épisode qui me rend plus cher encore la silhouette de la vieille basilique et celle surtout de cette Pia, de la bien nommée, dont le fervent archiprêtre avait fait sa petite élève et son héritière d'âme. Nous allons rechercher, si vous permettez, avais-je dit à Bernard de Lanove, en arrivant à la gare de Castel Fiorentino, mon cocher d'il y a 10 ans. C'était un bonhomme assez curieux et qui vous amuserait. Et peut-être nous aiderait-il à découvrir quelques vieilles peintures qui ne soient pas hors de prix, avait-il répondu. J'ai l'idée que je reviendrai bredouille de ce voyage-ci. Positivement, dans cette Italie d'aujourd'hui, on ne trouve plus rien, rien, rien. Ou à l'époque où j'achetais 350 lire à Florence devant de Cassone de la meilleure époque. Je lui ai dû de ne pas être affiché à l'impérial, croiriez-vous cela? Mais oui, j'avais perdu dans les 30 000, je ne savais trop comment payer. Sakimosé commençait sa collection. Je lui ai cédé ce chef-d'œuvre. Il soupira. Et c'est encore lui qui a fait une bonne affaire. Nous descendions du train comme il me débitait cette confidence, peu en harmonie avec le doux paysage qui verdoyait autour de nous, délicieusement intact, lui et tout pareil à l'autre portion de mes souvenirs, celle qui ne connaît ni les cercles parisiens, ni les musées des boursiers heureux, ni les roueries des gentilshommes aux abois. Mais si rien n'avait changé dans la petite ville de Castel, ni la ligne des collines, ni l'aspect des maisons, ni le bouquet de hauts cyprès noirs à 2 pas de la gare. Il n'en était pas ainsi du groupe des 4 cochers, debout auprès de leur voiture et qui attendaient les voyageurs. Je n'y discernais pas le maigre et svelte Bonciani, et comme je demandais de ses nouvelles, « Tonino, me dit un de ces hommes, il est dans les déplaisirs. Il n'a plus ses chevaux et sa voiture. Il y a beau temps, repartit mon interlocuteur. Sa jument était devenue vieille et elle est morte. Il l'a remplacée par une autre, qui est tombé et qui s'est cassé la jambe. Un troisième cheval est mort aussi. Sa voiture s'en allait en morceaux. La police a fini par retirer sa patente. C'est sa faute aussi. Il s'était marié. Sa femme l'a quitté, il a eu du chagrin. Il s'était mis à boire et alors. Mais son frère, le chapelier, et ses autres frères ne l'ont pas aidé. Ils ont tous eu des malheurs. Quand la disgrâce est dans une famille, c'est ainsi. Un navire brisé, tous les vents sont contraires. Le chapelier est mort de la fièvre. Celui qui faisait le fermier est parti pour l'Amérique. Celui de Rome avait mauvais cœur et n'a pas voulu entendre parler de Tonino. Alors comment vit-il? Il est à Impoli, qui fait le mezzano. Il est un peu mieux maintenant. Il s'y connaît en chevaux et on le consulte. C'est lui qui m'a fait acheter cette bête. Tenez, voyez ses pieds, ils sont de fer. Et pour nous engager à monter dans sa petite calèche, il soulevait de terre le sabot de l'animal, assez solidement râblé. En effet, un de ses produits croisés, où il y a du cheval sarde et du cheval piémontais. L'homme était, lui aussi, un solide gaillard, qui devait avoir commencé son métier de voiturier avec quelques ressources. Il était proprement mis, une grosse chaîne d'or brillait sur son gilet de velours, et sa voiture était une Victoria, tendue de drap neuf, d'un gris à l'épreuve de la poussière. Les roues et la caisse revernies, les lanternes nickelées, les garde-crottes en cuir ciré, la natte où poser les pieds. Quel contraste avec le baroquino de Bonciani! Je devais avoir l'explication de ce changement, plus tard, en causant avec mon hôtelier de Sienne. Une vaste entreprise de voitures s'était formée à Florence, commanditée par une banque anglaise, et destinée à fournir de véhicules, un peu plus chers mais plus confortables et plus exactement tarifés, les petites villes curieuses de la province, celles qui peuvent servir de point de départ pour des excursions. Le voisinage de quelques couvents, et surtout de San Gimignano, avait fait ranger Castel Fiorentino dans le nombre. Avais-je besoin de ce renseignement pour regretter, devant ce banal équipage et ce cocher à la mine rogue, le pittoresque débraillé de mon ancien guide? Enfin, le cheval avait été choisi par lui, ou je le crus, et ce fut la raison pour laquelle j'invitai mon compagnon à s'installer dans ce véhicule plutôt que d'en chercher un autre. « À San Spirito in Valdelsa, » dis-je une fois assis. « Décidément, l'église de votre ami Don Casalta n'est pas très à la mode parmi messieurs les voyageurs. » dit à son tour Lanove, en riant de la visible surprise empreinte sur le visage maussade du cocher. Celui-ci me fit répéter ma question et il répondit « Mais il n'y a rien à voir à cet endroit, absolument rien. Si ces messieurs veulent aller à San Sebastiano, à San Gimignano, non, insistai-je, à San Spirito in Valdelsa. et si vous ne savez pas la route, demandez-la. L'orgueil commun à tous les cochers de tous les pays, et qui leur rend odieux l'aveu de leur ignorance quand il s'agit de chemin, contracta le visage de l'homme à qui un de ses camarades, un enfant du pays, celui-là, épargna l'humiliation d'une demande. « San Spirito in Valdelsa ?» dit cet homme. « Tu connais bien Montagione ?» Et avec des gestes de la main qui dessinaient la contrée, il commença d'expliquer les tours et les détours de la route pour finir en se tournant vers nous. « Tre cose sono difficili a fare. Cuocere un uovo, fare il letto in un cane. E insegnare a Fiorentino. » Le Florentin haussa les épaules, sans relever ce dicton, imaginé par ces alertes montagnards toscans sur leur capitale. Saura-t-on jamais si c'est une épigramme ou une louange ? Nous partîmes, égayés par ce proverbe qui assimile la cuisson des œufs et la litière des chenilles, si bizarrement, à l'intelligence des compatriotes de Machiavel. J'avais retrouvé dans cet adage une saveur locale qui me donna une seconde l'idée de changer de voiture et d'automédon. Mais l'attelage et la carriole du citateur étaient trop misérables. À mon hésitation encore devant une voiture un peu rude, j'aurais pu reconnaître que j'avais 10 ans de plus. Enfin, nous roulions, et tout de suite, le paysage se fit si gracieux et si rustique, avec ses mêmes pentes labourées fraîchement, ses mêmes ormeaux étêtés pour la vigne, ses mêmes forêts sur l'horizon, ses mêmes oliviers d'argent, ces mêmes passages de charbonniers, conduisant de grands bœufs blancs aux immenses cornes. J'oubliais les premières déconvenues et aussi la réponse négative, très logique, après sa première preuve d'ignorance, que le cocher florentin avait faite à ma demande. « Avez-vous entendu parler de Don Casalta ?»« Décidément, m'avait dit Lanov. Ce n'est pas cet imbécile qui nous indiquera quelques vieilles choses d'art à rapporter. » Et par une involontaire association d'idées, comme les hommes les plus surveillés en ont quelquefois et qui les trahissent à leur insu, « Connaissez-vous Marsh, l'Américain ?» me demanda-t-il. « Non, vous n'y perdez pas beaucoup. C'est bien l'homme de l'art dans toute son horreur. Mais l'hôtel qu'il s'est fait construire, avenue du Bois de Boulogne, est vraiment beau. Il faudra que je vous y mène. » Il m'a consulté sur 2 ou 3 petites choses, et avant moi d'autres, qui s'y connaissent mieux que moi. Il y a des merveilles dans cette maison-là, surtout en peinture italienne. Cela vous étonne, n'est-il pas vrai ? Rien ne m'étonne des Américains, répondis-je. Ce sont les féodaux et les magnifiques d'aujourd'hui. Il est tout naturel qu'ils héritent des féodaux et des magnifiques d'autrefois. Des féodaux ! Repartit Lanov, avec le visible mépris d'un homme qui a plusieurs siècles d'aristocratie dans le sang de ses veines, quand il pense à des richards, même pour les exploiter. Ce sont d'énormes enfants qui font joujou avec les choses de la vieille Europe, voilà tout. C'est sa nièce qui a donné à celui-ci le goût du 14e et du 15e. Il y met le prix. Mais je crois bien, conclut-il, après un nouveau silence et en regardant loin la campagne autour de lui, qu'il pourrait dépenser tous ses millions avant de trouver à 20 lieues à la ronde un objet quelconque. C'est extraordinaire, je vous le répète, comme on a récupéré ce pays-ci. À propos de Marche et d'Américains. Et il commença de me conter, assez drôlement, une anecdote du demi-monde, comme il en sait par centaines, toute inédite, toute recueillie sur place et d'après nature. L'héroïne de celle-ci était la toujours charmante et spirituelle Gladys Larvay. Décidément, rien ne manquait au contraste entre mon premier voyage et le second. Tandis que Lanov parlait, je regardais tour à tour son visage de joli homme, si fin à la fois et si usé, où flottait un dernier reflet de jeunesse, puis le sauvage et gracieux horizon. Le nom de Gladys m'évoquait la coulée des voitures le long des Champs-Élysées vers l'Arc de Triomphe, et à 2 pas de nous, l'Elsa roulait son eau verte entre ses rives argileuses. Je devinais à l'accent de Bernard combien profondément la fête parisienne avait mordu au cœur ce personnage complexe, dont la nature a fait un commencement d'écrivain et de musicien. Et le vice, un mezzano d'une autre espèce que Bocciani, mais un courtier tout de même, un brocanteur de belles choses, rompu au secret compromis de conscience d'un semblable gagne-luxe. L'irréfléchi ressouvenir de l'hôtel Marsh, formulé tout haut, me le montrait chargé, par le millionnaire américain, de quelque achat sur quoi prélever une fructueuse commission. Et comment expliquer qu'avec tout cela, il conserva assez de finesse, des sensations assez vibrantes, pour que le demi-artiste reparût sans cesse en lui, sous le viveur volontiers cynique et le trafiquant madré. Il m'avait fait, durant cette première partie de notre promenade, regretter plus d'une fois de l'avoir amené. Toute ma contrariété s'effaça lorsque nous fûmes en vue de San Spirito in Valdelsa et qu'il se livra, devant cette première apparition de la basilique, un enthousiasme où je reconnus mon coup de foudre d'il y a 10 ans. « Mais c'est un bijou » s'écria-t-il, « une chose unique !» Votre ami Don Casalta est un sage et un heureux d'avoir cet admirable joyau de pierre à soigner. un bible de cette taille et de cette finesse, c'est à nos objets d'art à nous, ce qu'une fresque de Michel-Ange ou de Raphaël est à un pauvre petit tableau de chevalet, ce que ce chêne vert est à un brin d'herbe. Ce campanile, quelle grâce dans l'élégance, et ses colonnettes, avec ses crocodiles et ses léopards, et cette madone, et le même nom qui m'était monté à la mémoire lors de ma rencontre avec cet anonyme chef-d'œuvre de la sculpture pisane, lui vint aux lèvres, on dirait une femme de Millet. De telles analogies d'impression compensent bien l'effroissement. J'en suis arrivé à ce point de la vie où l'on sait trop l'inintelligibilité réciproque des êtres les uns par les autres, et que de choses l'on pardonne à un compagnon qui, de temps en temps, vous dit sur un livre, sur un tableau, sur un pays, sur une statue, précisément la phrase que vous vous prononcez à vous-même. « Quelle pitié, n'est-il pas vrai ?» lui répondis-je, s'il ne s'était pas trouvé là, un de ces grands artistes inconnus qui sont les vrais dilettantes pour empêcher cette merveille de tomber en ruine. Je m'étonne qu'il ait entendu notre voiture approcher et qu'il n'ait point paru lui-même. La Victoria s'arrêtait, comme je disais ces mots, devant la façade, caressée par ce même soleil transparent et doré dont je me souvenais si bien. Mais la porte du presbytère demeurait close, et quand je l'eus, à plusieurs reprises, ébranlée d'un coup de marteau chaque fois plus insistant, ce ne fut pas le lumineux, le magnanime visage de Don Casalta qui se découvrit derrière les barreaux de la fenêtre du rez-de-chaussée enfin ouverte. J'aperçus une physionomie obscure et brutale, érigée au-dessus d'une soutane noire. Ce prêtre-ci, la joue non rasée à 2 heures de l'après-midi, avec les taches dont cette soutane était constellée, avec la dureté de ses yeux noirs, ressemblait si peu à l'autre que je compris du coup la vérité. Pour que cet homme fût installé dans le presbytère de San Spirito, il fallait qu'un malheur eût frappé mon ancien ami. Cependant, le prêtre nous criait d'une voix prébourrue. « Que demandez-vous, messieurs ?» Et quand j'eus prononcé le nom de Don Casalta, « Don Casalta !» reprit-il d'un accent plus dur, où je crus discerner un frémissement d'aversion. « Il est mort depuis un an, Don Casalta, c'est moi qui le remplace. » « Nous voudrions visiter la basilique, » dit mon compagnon à son tour, comme je me taisais, réellement stupéfié par une nouvelle pourtant si conforme à ce que j'aurais dû au moins prévoir comme possible. Don Casalta était mort, et sans doute la signora Bice et peut-être la Pia. Soudain, la minute où j'avais vu ces trois êtres réunis autour du petit panneau, de cette tablette de bicarna qui représentait le jeune Toby, me revint avec une précision qui me fit du mal. C'était comme si j'eusse physiquement senti la vie passer. Et pour que cette sensation d'un noble et paisible intérieur à jamais aboli fût plus amère, j'écoutais le nouvel archiprêtre répondre « Je vais envoyer la servante vous ouvrir la porte. D'ailleurs, pour ce qu'il y a à voir dans l'église. » Quel contraste entre cette façon bougonne de nous faire montrer la basilique par un domestique et la grâce d'accueil dont je me souvenais. Quel contraste aussi entre ce mépris pour le vénérable monument et la piété fervente du maître de la Pia. Quel contraste enfin entre cette Pia elle-même et l'affreuse mégère que nous vîmes, après quelques minutes d'attente, tirer le battant de la porte. Cette véritable sauvagesse, en jupon rouge, les pieds et les mains énormes, la joue enflée d'une fluxion sous un mouchoir malpropre, fleurant l'ail et la crasse, les yeux mauvais et vaguement bigles, semblait avoir été choisie exprès pour faire regretter davantage la fine et jolie jeune fille qui maniait jadis ces mêmes clés, ouvrait ces mêmes grilles, glissait entre ces mêmes colonnes. Et quoique l'intérieur de l'édifice lui-même n'eût pas changé, déjà des traces d'incurie commençaient de s'y apercevoir, qui annonçaient la future décadence. Le parvis n'était plus balayé, des toiles d'araignée déshonoraient les volutes des chapiteaux, des vitres avaient été cassées par le vent à plusieurs fenêtres, sans que l'on se donnât la peine de les remettre, et à plusieurs places, le badigeon blanc des murs était sali d'inscriptions au couteau et au crayon. Enfin, et du moins là, cette incurie avait eu un effet d'une poésie bien inattendue. Par les carreaux crevés, des hirondelles avaient pénétré dans le bâtiment et suspendu leur nid aux poutrelles des plafonds. Le bruit de notre entrée les avait effarouchées. Avec leurs grandes ailes noires et leur ventre fauve, elles se prirent à voler sous la nef, d'un vol rapide et inquiet, qui mit un frémissement comme une vibration dans le silence de la vieille église. Ces palpitants oiseaux étaient trois à battre ainsi l'air de leur fuite éperdue, et une hallucination d'une seconde me donna l'idée que c'étaient là des âmes revenues, sous cette forme, visiter la solitaire basilique. Quelles âmes, sinon celles de l'archiprêtre, de sa sœur et de sa douce acolyte? J'allais apprendre aussitôt qu'une condition au moins manquait à cette fantastique métempsychose. L'une des trois personnes dont je poétisais ainsi l'existence d'outre-tombe vivait toujours, hélas, pour voir abandonner l'œuvre de piété à quoi elle participait jadis, profanée par le sanctuaire dont elle avait été la prêtresse et renié la dévotion de son maître disparu. Est-ce que donc Casalta était malade longtemps ? Demandai-je, tandis que la nove allait s'extasiant devant l'ensemble et les détails de la merveilleuse construction, ici admirant un chapiteau de colonne, là une sculpture de lambon, plus loin la frise du tabernacle. « Je n'étais pas ici, » répondit la vieille femme. « Je suis venue avec Don Malvano, mais je sais qu'il a été frappé d'un coup sec. » C'est la pittoresque et sinistre expression italienne pour désigner une attaque. « Comme il venait de dire sa messe dans la sacristie de l'église. » « Et sa sœur, la signorina Bice, savez-vous comment elle est morte ?»« Je ne sais pas, » reprit la vieille femme, « mais l'enterrée à côté de lui, dans une chapelle devant laquelle vous avez dû passer, si vous venez de San Gimignano, tout près de la ferme, à côté des cyprès. » « Nous arrivons de Castel, » répondis-je. « Et cette jeune fille que j'ai vue chez eux, quand est-elle morte ?»« Vous voulez parler de la Pia ?» repartit la femme en haussant les épaules. « Elle vit toujours. C'est elle, justement, dont le père a cette ferme. Elle ne va pas tarder à être ici. » À peine un étranger arrive-t-il qu'elle quitte sa maison pour venir voir si ce n'est pas un des anciens amis de Don Casalta. Puis, hargneuse, elle nous a donné assez de mal les premiers temps. Elle se croyait vraiment la maîtresse de San Spirito. Mais Don Malvano l'a mise à la porte, et il faut une visite pour qu'elle reparaisse. Elle va à l'office à Montagione. Tenez, avais-je raison, la voici. Je me retournai du côté de la porte, sur le geste haineux de la maussade et hors de sorcière, et j'aperçus la pauvre fille, dont je venais d'apprendre le malheur. En toutes circonstances, j'eusse éprouvé l'intérêt le plus vif à rencontrer la jolie élève du magnanime et enthousiaste archiprêtre. Devant le mystère du drame moral qu'elle me représentait aujourd'hui, comment cette simple curiosité ne se fût-elle pas changée en une sympathie poignante? Quel chagrin avait dû être pour elle cette mort de son protecteur d'abord, puis cette intrusion d'un prêtre indifférent à la beauté de la vieille basilique, son propre bannissement enfin, hors de ce qui avait été son asile de corps et d'âme à son retour dans la grossièreté du milieu natal. Je me rappelais trop bien ce que m'avait dit Don Casalta. Son adoption par une dame riche, sa vie à Rome, da Contessina, puis sa rentrée dans la misérable ferme. Je la regardais avec une attention aussitôt navrée. À quel degré cette fine nature avait ressenti ses cruelles émotions, son visage consumé, le disait assez, ce maigre visage fiévreux, où la grâce de la 20e année souriait autrefois. Maintenant, c'était un masque tragique et pétri de tristesse. Elle était tout en noir, avec des rubans de la même couleur à son grand chapeau de paille, pareil à celui de jadis. Ce costume de deuil faisait ressortir la pâleur de son teint et le blond toujours cendré de ses cheveux, sa dernière jeunesse. L'étoffe de cette simple robe sombre était bien râpée sous le châle. Visiblement, depuis la disparition de l'archiprêtre, la Pia subissait, par-dessus sa peine, la misère d'une existence de plus en plus resserrée. Pourtant, la propreté de cette trop modeste toilette, les petites mitaines de dentelle noire d'où sortaient ses doigts amincis, sa façon de se tenir, de draper ce châle élimé, de nouer les longues brides de son chapeau par-dessus les larges ailes de paille souple, de manière à lui donner la forme d'un original bonnet, tout annonçait encore l'être trop différent, la demi-dame qu'elle restait presque inconsciemment. Ces 10 années avaient changé l'enfant pieuse en un commencement de vieille fille, de vieille demoiselle plutôt. Ces mêmes années avaient sans doute pesé aussi sur ma tête, car elle me regarda sans me reconnaître, quoique mon image fût liée pour elle à un incident certainement inoubliable dans l'histoire de sa chère église. La découverte de la tablette de Vicerna, de ce petit panneau peint par Neroccio di Bartolomeo Landi, et qui représentait Tobie et les 3 anges. Quand je lui eus rappelé en quelques mots cet épisode, un flot de sang empourpra ses joues. Ses yeux bruns, où l'idée fixe allumait ses flammes sèches, s'humectèrent de larmes. Un soudain attendrissement la remua tout entière. « Ah ! » dit-elle, « comme il serait heureux de vous revoir. Il attendait votre visite tous les printemps, mais vous n'êtes jamais revenu. » De nommer celui auquel son cœur gardait un si passionné, un si inguérissable regret, lui était physiquement trop douloureux. Les hirondelles qui continuaient de volter entre les colonnes de la vieille église n'étaient pas plus sauvages que ce tendre cœur. J'envoyais les battements à travers le chétif corsage. Tant avait été profond l'émoi de la pauvre fille à retrouver le témoin d'un temps plus heureux. À peine si j'osais lui parler, de peur de toucher à la plaie trop vive. Mais si la délicate Pia était la victime de la sensibilité la plus passionnée, elle était aussi une créature très simple et qui avait le courage de ses émotions. L'un des admirables traits de l'âme plébéienne. Ce fut elle qui, spontanément, douloureusement, commença la confidence que je ne lui aurais jamais demandée. En l'écoutant, je me souvenais que l'archiprêtre avait prononcé devant moi les mots héroïques de la virile prière « Amorte improvisa libera nos domine ». Et j'admirais que le mystérieux dispensateur de nos destinées eût épargné au vieillard, même dans cette foudroyante surprise de la mort subite, ce que son âme de croyant redoutait par-dessus toute chose, l'entrée dans l'éternité sans le viatique de la dernière heure. « Il se portait si bien la veille, disait la jeune fille, et il avait été si heureux. L'archevêque de Sienne était venu visiter San Spirito et pontifier au maître-autel. Vers 2 heures, et comme il devait partir avec Monseigneur, on vint lui annoncer qu'un bûcheron, derrière Gambassi, était tombé d'un arbre et qu'il le demandait pour lui porter le bon Dieu. Il est parti comme il était, sous le soleil de juillet. Il a administré le pauvre homme, puis il est encore allé dire adieu à Monseigneur. Il est entré ici et n'a pas très bien dormi. Il a voulu cependant le lendemain se lever pour célébrer sa messe. Il avait promis au blessé de la dire pour lui. C'est moi qui la lui ai servie, comme je faisais quand le garçon ne venait pas, si vous l'aviez entendu la dire cette dernière messe. Il était si beau, toujours, à l'autel. Il priait comme les saints ont dû prier. Mais jamais je ne l'avais vu remuer comme ce matin-là. Je suis sûr que son bon ange l'avertissait, par une permission du Saint-Esprit, pour lequel il a tant fait. N'est-ce pas extraordinaire tout de même qu'il eût voulu, la veille, se confesser à l'archevêque et recevoir la communion de sa main? Enfin, après la messe, il rentre dans la sacristie. « Je suis un peu fatigué, Pia, me dit-il. Va appeler ma sœur. » Il s'assied, appuie son bras sur la table où il venait de poser le calice. Sa tête retombe sur son bras. Il avait passé sans plus de souffrance. Don Avice ne lui a pas survécu 6 jours. « Et pourquoi ne lui a-t-on pas fait un tombeau dans la basilique ? » demandai-je, remué plus que je ne saurais dire, par ce récit qui me faisait assister en pensée à cette grande chose humaine, une belle mort achevant une belle vie dans une harmonie absolue. « N'est-ce pas ? C'est une indignité, » répondit vivement la Pia. « Mais il paraît que la loi ne l'a pas permis. Nous avons pu pourtant le placer dans une chapelle sur la route dont l'on voit San Spirito, et qui heureusement est près de chez nous. C'est une grande consolation pour moi. » Quand je vais y prier le soir, j'entends la cloche du campanile. Mais ce n'est pas San Spirito. Et il aurait tant voulu être enterré devant l'autel de la Madone, le dernier que nous ayons réparé, celui où nous avons mis la peinture. Vous n'avez pas vu encore cet autel ? Ah ! Fit-elle avec un profond soupir, ils l'ont déjà bien gâté, comme le reste. Et du regard, elle me montrait ce que je n'avais pas observé encore. Sur les murs, jadis si sévèrement blancs, s'étalaient d'abominables lithographies, enluminé de ton criard. Au fond de la chapelle où la Pia me conduisit, à côté du panneau siennois, une statue de la Vierge en bois coloriée attestait l'invasion de la vulgaire camelote ecclésiastique dans l'austère et pure asile d'art. Ce n'était là qu'un naïf manque de goût, et qui aurait pu se concilier chez le nouveau desservant avec une réelle piété. J'allais constater qu'il n'en était rien, et qu'à l'enthousiaste de beauté, aussi noble par ses vertus de prêtre que par ses hautes qualités d'intuition esthétique, un indigne avait succédé, indigne par sa misère d'intelligence, indigne par sa misère morale. La neuf, cependant, nous avait rejoints. Les impressions qui, pour moi, paraient de mélancolie la basilique, ne pouvaient pas être les siennes. Il ne connaissait donc Casalta que par mes discours, et quand on cause avec un compagnon aussi différent par certains côtés, involontairement, la parole fausse un peu la pensée. On éclaire, dans les anecdotes, les parties que l'on croit plus perceptibles, et l'on jette de l'ombre sur celle qui semble étrangère à l'écouteur. En dessinant au viveur parisien le profil du chapelain de San Spirito, j'avais souligné les traits pittoresques du modèle sans dégager le caractère mystique de cette physionomie et sa poésie sacerdotale. Pour Lanove, le remplacement de Don Casalta par Don Malvano n'était qu'un épisode insignifiant, et aucune comparaison ne corrompait le plaisir d'art que lui causait la vieille église. C'est le sourire aux lèvres et la flamme aux yeux qu'il redescendait vers nous. Quand il aperçut le panneau qui avait servi de reliure au livre de Bicerna, sa joie de connaisseur se transforma en une véritable exaltation. Moi-même, je ne me rappelais pas la beauté souveraine de cette peinture, qui maintenant m'apparaissait dans son vrai caractère de chef-d'œuvre. Les 3 anges, le jeune Tobie et le chien, continuaient d'aller dans le fauve paysage, et les couleurs des fins visages, des souples vêtements, des riches armures, étaient rendues plus douces, plus veloutées, plus tendres par le reflet du verre qui protégeait le tableau. Je n'aurais pas su que le cadre avait été imaginé par la Pia, je l'aurais deviné à son exécution si maniérée et si féminine dans son joli enfantillage. Un bord d'une soie brochée, d'un rouge passé à reflets d'or, découpé sans doute à même quelque chasuble blusé de Don Casalta, entourait le panneau. Cette soie, tendue sur un carton épais ou sur une planche mince, était elle-même entourée d'une baguette de bois recouverte d'un velours sombre, et cette baguette, qui maintenait la vitre, était clouée à un plus large rebord de bois, tendu d'une soie pareille à celle de l'intérieur, mais avec une petite application de dentelle d'argent. La précieuse image, abritée dans ce reliquaire de brocart et de verre, rayonnait d'un magnifique éclat qui faisait s'exclamer le dilettante Lanove. « Mais quelle merveille » disait-il à voix haute et sans plus se souvenir que nous étions dans une église. « Que ces ors sont fins, et ces visages, et les ornements de ces armures !» Quel pinceau et quelle loupe employaient donc ces maîtres d'autrefois, pour fignoler dans ce détail les cheveux, les auréoles, les prunelles, les bouches, et sur ce rien d'espace. Savez-vous que c'est le motif du Toby qui est à Florence à l'Académie, et que l'on attribue tantôt à l'un des Polagioli et tantôt à Botticelli? Quand je n'aurais dû voir en Toscane que ce bijou, il valait le voyage. Seulement, il faudrait l'enlever de ce cadre extravagant. Heureusement, elle ne vous comprend pas, fis-je en lui désignant la Pia. C'est son œuvre, et elle en est si fière. Il ne m'écoutait déjà plus, absorbé dans un examen plus minutieux du panneau. Je profitais de sa distraction pour reprendre mon entretien avec la jeune fille que j'interrogeais sur sa vie à elle maintenant. Elle me répondait en phrases d'abord évasives, puis plus précises, à mesure qu'elle entrait en confiance avec cette amie qu'elle ne soupçonnait pas. Ce n'était point directement qu'elle me parlait, mais sans cesse elle revenait vers l'existence d'autrefois et sa nostalgie attestait trop sa lassitude d'aujourd'hui. « On n'est pas bien riche chez nous, disait-elle, et mon père et mes frères voudraient bien que je travaille à la ferme. Je ne peux pas. Je sens que je suis trop faible. Enfin, avec ma dentelle et en ne perdant pas de temps, je me suffis. Quand ils vivaient, tout allait si bien. Il était si bon pour eux. Il leur donnait toujours quelques petites choses et puis ils en avaient peur. Encore maintenant, quand j'ai des difficultés, je leur parle de lui. Ah, s'il n'y avait pas son tombeau à soigner, j'irais chez les Clarisses d'Empoli, qui m'ont souvent demandé. C'est quelquefois si pénible pour moi de penser. S'il voyait l'église comme elle l'est. Mais qui lui mettrait tous les matins les fleurs qu'il aimait de son vivant, les cyclamènes en été et maintenant les violettes? Instinctivement, et comme si après avoir cédé au besoin de revoir cette église profanée, elle cédait au besoin de la fuir, la jeune fille avait marché, tout en causant, du côté de la porte. Nous sortîmes ainsi de la basilique, et nous vîmes nous reposer sur un banc adossé au mur du presbytère. Que ma compagne avait lu deux fois par les beaux soirs d'été, en août par exemple, quand les feux de l'Assomption s'allumaient sur les collines, en juin, quand les lucioles rayaient le crépuscule de leurs flammes volantes, oui, qu'elle avait dû deux fois s'asseoir sur cette même pierre avec l'archiprêtre et entendre, devant les étoiles, cet homme de Dieu parler de l'immortelle espérance dans l'ombre de la basilique. Sans doute ses souvenirs recommencèrent de l'oppresser, car elle se taisait maintenant, et moi, de plus en plus troublé parce que je devinais de poésie secrète et singulière dans cet être qui s'ignorait tellement lui-même, je me taisais aussi. Je regardais le doux paysage toscan et je reconnaissais toutes les lignes, aperçues autrefois à travers la fenêtre placée juste au-dessus de nous. Combien de temps demeurâmes-nous ainsi, abîmés dans une mélancolie que nous sentions si pareille, je n'en sais rien. Je sais seulement que tout d'un coup la tête de la Pia et de la mienne se relevèrent juste à la même minute d'un même saisissement de surprise, et que nous nous regardâmes avec la même pensée dans nos yeux et un même battement de cœur suspendit nos respirations. Deux personnes étaient entrées dans la chambre qui donnait sur cette fenêtre restée ouverte et qui était l'ancien cabinet de travail de Don Casalta. Ne se sachant pas écouter, elle continuait très haut un entretien évidemment commencé depuis quelques moments déjà et dont nous ne perdions pas une parole. « Réfléchissez, seigneur archiprêtre, disait une des voix, insinuante, prenante, tentatrice, celle de Bernard de Lanove. 600 livres, verset comptant, c'est une somme. »« Ce sera 800 ou rien ?» répondait l'autre voix, celle de l'archiprêtre, maussade et résistante. « Si je vends ce Toby, le seul beau tableau que j'ai dans mon église, il faut au moins que je fasse une vraie affaire. » Il avait employé l'augmentatif italien « un affarone » et la désinence, prononcée avec brutalité, avait pris dans sa bouche un accent de gloutonnerie. « Coupons la différence en deux, » avait insisté Lanove, « et mettons 700. »« Non, » avait répliqué Don Malvano, « 800 livres ou rien. » « Et si je vous laisse le cadre ?» dit Lanove, et si je m'engage de vous envoyer de Sienne quelque image juste de la grandeur que vous pourrez mettre à la place ?»« Dans ce cas-là, » fit l'autre après une minute d'hésitation, « ce sera 750, mais pas un paolo de moins. »« Bah, pour 750, » conclut la neuve, « j'ai les billets là, je vais vous les compter pendant que vous me faites le reçu. » Que ce mercantile débat entre mon compagnon et le mauvais prêtre eut pour objet la table de Bicerna, nous n'en avions pas douté une seconde, la pauvre Pia et moi, avant même d'avoir entendu nommer le Tobie. Je vis le joli visage déjà si pâle de ma compagne devenir plus pâle encore, une expression d'épouvante passer dans ses prunelles, et à moi aussi, le marchandage de cette adorable peinture, objet jadis de si hautes émotions, me sembla une espèce de sacrilège. C'était pire que cela, puisque le tableau avait appartenu personnellement à Don Casalta, qu'il avait donné à l'église. Un irrésistible désir d'empêcher ce malhonnête trafic me fit me lever et dire tout bas à la Pia, « Cet achat n'aura pas lieu, je vous le promets. » Et j'entrai dans le presbytère, sans sonner ni frapper, laissant la jeune fille, toujours immobile, sur le banc de pierre, l'oreille aux aguets, la physionomie comme hypnotisée par l'horreur. Ce fut seulement en passant le seuil de la pièce que je compris l'absurdité de ma démarche et mon impuissance à rompre un marché qui ne me regardait en aucune manière. L'archiprêtre était assis à la table, libellant le reçu demandé, avec sa face grossière de paysan à peine dégrossi. Le fin visage de la nobe, tirant de son portefeuille les billets roses, traduisait le contentement surveillé du collectionneur qui met la main sur une trouvaille inespérée et avant que je n'eusse même ouvert la bouche. « En ai-je eu, » dit-il en français, « une heureuse idée de demander à ce drôle-là si le Tobie était à vendre. » Puis, gaiement, « si je pouvais emporter l'église tout entière, il me la bazarderait de même. » Pour 750 livres, entendez-vous, 750, je vais avoir le tableau. Encore l'ai-je mal marchandé, je lui laissais trop voir que j'en avais envie. Ne faites pas cela, mon cher Lanov, lui répondis-je en français, moi aussi, et d'une voix suppliante, j'insistais. Ne faites pas cela. Mais pourquoi ? Me demanda-t-il, et il me regardait avec la stupeur d'une absolue inconscience. Mais parce que le drôle, comme vous l'appelez trop justement, n'a pas le droit de vous vendre cette peinture qui n'est pas à lui. Je le sais, moi. « Puisque j'en ai le premier, » révélait la valeur à son prédécesseur. « C'était la propriété privée de Don Casalta. Il l'a léguée à l'église. Par conséquent, je vous le répète, cet homme vous vend ce qui n'est pas à lui. »« Vous avez peut-être raison, » répondit la nove. Puis après un silence, et haussant les épaules. « Bon, je n'en achèterai pas moi le tableau. Et pour une simple raison, si ce gaillard s'est décidé en 5 minutes, dès la première offre, à me vendre ce Neroccio 750 livres aujourd'hui, à moi, qu'il ne connaît pas, c'est qu'il a besoin d'argent. Il en aura besoin demain comme aujourd'hui. Supposons que je cède à votre scrupule. Demain, un visiteur quelconque, un Anglais, un Américain, un Juif, un brocanteur de Sienne ou de Pise, passe par ici, voit le panneau, le marchande et l'emporte. Puisqu'il est dans la destinée de cette table de Bicerna de quitter San Spirito, j'aime mieux qu'elle le quitte pour un certain entresol de la rue Marignan. « À moins que ce ne soit pour l'hôtel d'un marche ou d'un sacimosé avec un fort courtage. » C'était la première fois que je me permettais une brutale allusion au dessous utilitaire du dilettantisme de la nove qu'il dissimulait si adroitement. Cette insolente phrase ne m'eut pas plutôt échappé que je le vis pâlir. Il eut l'énergie de dompter aussitôt sa colère pour me répondre du ton le plus flegmatique mais aussi le plus cassant. « Et quand ce serait pour l'hôtel de marche ou de sacimosé ? Je ne sache pas que personne ait le droit de m'empêcher de faire d'un objet à moi l'usage qui me convient. Et à partir de 7 minutes, ce panneau est à moi. » Il avait, en prononçant ces paroles, où je sentais une résolution désormais irrévocable, placé les billets de banque sur la table et pris le reçu que lui tendait le prêtre. Les sourcils froncés, la bouche dure, les yeux fixés sur les miens avec une étrange expression de défi et d'orgueil blessé. Il plia le papier en quatre, le mit dans son portefeuille, puis, boutonnant son veston, il dit à Don Malvano en italien « Allons prendre le tableau maintenant. » Les deux hommes sortirent de la chambre et s'engagèrent dans un corridor qui reliait le presbytère à la basilique, le même que nous avions suivi, Don Casalta, la Pia et moi, à cette heure lointaine où nous avions solennellement installé le Tobie, alors sans cadre, dans la chapelle de la Madone. Les deux profanateurs allaient l'enlever de cette chapelle sacrée, où son premier possesseur avait cru le suspendre pour toujours. Comment empêcher à présent cette action abominable ? En cédant à l'indignation et en parlant comme j'avais fait à la nove, j'avais perdu mon seul moyen, celui de l'influence personnelle. Comment aussi calmer le désespoir dont la Pia serait saisie en apprenant mon insuccès ? Qu'allais-je lui dire? Et à quelle extrémité se livrera-t-elle, sans plus de chance que moi-même, de rompre un marché où nous n'étions intéressés ni l'un ni l'autre, sinon pour des motifs qu'aucune loi ne reconnaît? J'étais si confus de mon échec que j'hésitais à sortir. Quand je me retrouvai enfin sur le pas de la porte, je vis que la jeune fille n'était pas là, et j'avoue à ma honte que j'en ressentis un véritable soulagement. Il valait mieux qu'elle n'assistât point à ce que je continuais de considérer comme un véritable rapt. Et moi, après les mots échangés avec la nove, je n'avais qu'à me retirer et à manifester mon blâme en abandonnant mon camarade. Je regardai ma montre et je calculais que j'avais le temps de gagner Gambassi à pied, d'y prendre une voiture et de rentrer à Castel Fiorentino, puis à Sienne, par le dernier train. La nove devait prendre l'avant-dernier. Le désagrément de voyager avec lui et le tableau entre nous deux me seraient épargnés. Quelque chose pourtant m'immobilisait à cette place, comme si j'attendais qu'une intervention miraculeuse châtiât ce sacrilège. Il s'était passé presque un quart d'heure depuis que le prêtre et mon camarade étaient sortis de la bibliothèque. Peut-être, au dernier moment, l'un des deux s'était-il ravisé, puisqu'il ne reparaissait pas. J'allais apprendre la cause très naturelle, mais très déconcertante de ce retard. Je vis enfin les deux hommes s'avancer hors de l'église, à pas lents, accompagnés de la hideuse servante qui criait et gesticulait. « J'ai été dans la sacristie, je vous répète, don Malvano, la porte était ouverte, j'aurais tout entendu. » Un voleur n'a pas pu entrer et sortir dans les quelques secondes que j'ai passées là. Si ce n'est pas un esprit qui est venu prendre le tableau, ce n'est pas, à coup sûr, une créature vivante. « C'est un voleur, » répondait avec dureté la nove, et regardant la femme fixement, « ou une voleuse. » « Mais le tableau est à moi, je l'ai payé et je le retrouverai, quand je devrais aller avec mon reçu chercher en personne les carabiniers. » « Tout cela va s'expliquer, monsieur, » répondait le prêtre. « Calmez-vous, et nous retrouverons le tableau. » « Voyons, monsieur était là, » ajouta-t-il en m'apercevant. « Si quelqu'un est sorti de l'église, il l'a vu. » Son inquiétude prouvait sa double terreur, celle d'être contraint à restituer les 750 lires indûment empochées, et celle de voir la police mêlée à cet équivoque contrat. Peut-être aussi le mot d'esprit, employé par la servante, avait-il remué dans son âme méridionale le même arrière-fond de superstition qui avait bien remué en moi. Peut-être sa mauvaise conscience lui faisait-elle redouter quelque mystérieuse vengeance d'en haut? Toujours est-il que sur ma réponse négative, son anxiété grandit encore. Il recommença d'endoctriner la neuve qui répétait « J'aurai mon tableau » en regardant la servante. Enfin, avisant le cocher qui nous avait amenés et qui se tenait debout à quelques 20 mètres dans l'ombre d'un bouquet de chêne à la tête de son cheval. « Vous n'avez vu personne, vous non plus, sortir de l'église ?» lui demanda-t-il. Seulement la fille en noir qui causait tout à l'heure avec un de ces messieurs, répondit l'homme sur un ton d'indifférence qui contrasta étrangement avec l'effet produit par cette simple réponse, car la servante n'eut pas plus tôt entendu ces mots qu'elle se prit à vociférer, les yeux plus louches encore, le poing dressé. La fille en noir, mais c'est la pire. Oui, c'est elle. Don Malvano, c'est elle. Et moi qui n'y avais pas pensé, il n'y a qu'elle qui marche assez légèrement pour que je n'aie entendu aucun bruit. Il n'y a qu'elle qui connaisse l'église, c'est elle qui a volé le tableau. « C'est impossible, » interrompis-je à mon tour. En prononçant ces mots, je savais dès lors que cet enlèvement du panneau par la pauvre fille était non seulement possible, mais certain, mais évident. Je suis demeuré avec elle pendant tout le temps que vous étiez au presbytère. Je m'adressai à la neuve, quoiqu'il eût affecté de ne pas me regarder et de ne pas me parler depuis le commencement de cette scène. Mais je venais de le voir, aussitôt le nom de la fille à prononcer, esquissé un geste où il y avait plus de surprise cette fois que d'irritation. Il ne me répondit pas, et le mauvais prêtre continuait son enquête. « Mais pendant le temps où vous étiez dans mon salon, monsieur, me disait-il, elle n'était pas avec vous. Quand cette fille en noir est sortie, il parlait au cocher, est-ce qu'elle ne portait rien ?»« Je n'ai pas pu bien voir, » répondit l'homme. « Elle courait très vite. » Il me semble pourtant qu'elle avait un paquet sous son châle, grand comme ceci à peu près. Et de ses grosses mains, il esquissa en l'air une forme carrée, juste de la dimension du panneau cherché. C'était le tableau. Insista la servante. C'était le tableau. Il y avait longtemps qu'elle tournait autour, je l'avais bien remarqué. D'ailleurs, elle emporterait toute l'église si elle pouvait, quand je vous disais qu'elle a fini par croire que tout est à elle. Où habite cette jeune fille? Demanda la neuve. Son accent n'avait plus sa dureté, et décidément, son visage exprimait un commencement sinon de remords, au moins d'hésitation et de scrupules. À la ferme, derrière ces cyprès, vers la chapelle, répondit l'archiprêtre. J'y vais, et j'en reviens dans 10 minutes avec le tableau. « Je vous accompagne, » fit la neuve. Il se tourna de mon côté. je vis distinctement qu'il avait envie de me dire une phrase que son orgueil blessé l'empêcha de prononcer. Je compris pourtant qu'il désirait ma présence durant l'interrogatoire. Je m'acheminai donc, moi troisième, entre les champs de jeunes avoines, vers le rideau de cyprès qui cachait la petite ferme et la chapelle toute voisine. Je me souviens. Le sentier était creusé entre deux talus, et sur les berges basses foisonnaient des violettes sauvages dont l'arôme embaumait notre passage. Ce tendre parfum des fleurs que Don Casalta aimait, les couleurs du jour si pures et si claires, la paix profonde de la campagne, la silhouette de la basilique profilée à notre gauche, tout dans ces courtes promenades faisait une antithèse saisissante à l'émotion que je ressentais et à la scène d'odieuse inquisition qui se préparait. Je ne pouvais pas l'empêcher absolument. Je me réservais, s'il le fallait, d'effrayer le prêtre par mon témoignage, en affirmant que le tableau appartenait non pas à l'Église, mais à la succession privée de Don Casalta. C'en serait assez pour empêcher la Nove et Don Malvano d'avoir recours à la police, dans le cas où la courageuse Pia persévérerait dans ce recel du précieux panneau. Et il me suffit de la regarder, à peine entrée dans la grande salle de la ferme, pour deviner qu'elle persévérerait. Elle était assise, encore haletante d'une course précipitée, devant ce métier à dentelle. Ses doigts tremblants ne pouvaient même pas manier les fuseaux, et cette attitude, jointe à ce souffle court, suffisait à la dénoncer. Sa mère allait et venait dans la chambre, vaquant aux soins du ménage, une grasse et lourde paysanne italienne, aux yeux trop noirs, dans des paupières comme charbonnées, comme mâchurées. Elle achevait d'essuyer les assiettes du déjeuner, qui avaient dû être prises sur la grande table de bois, encore chargée d'un fiasco et de sordides couverts. Des chapelets de saucisses enguirlandaient un des murs de cette pièce, qui servait à toute la famille de cuisine, de salle à manger et de salon. En voyant entrer ces trois personnes dans son pauvre logis, le prêtre en tête, la vieille femme fut si bouleversée de timidité qu'elle commença de balbutier. « Jésus-Maria, il n'y a seulement pas assez de chaises ici pour vous accommoder. Pia, aide-moi à débarrasser ce fauteuil. »« Nous n'avons pas besoin de nous asseoir, signor Giulia, » dit Don Malvano. « Nous sommes venus pour reprendre le tableau. »« Quel tableau ?» demanda la mère avec un étonnement qui prouvait du moins son innocence à elle. « Celui que la Pia vient de voler à San Spirito, » insista l'archiprêtre. « Que la Pia vient de voler ?» répéta la mère. « Jésus-Maria ! Mais elle arrive tout justement il y a 2 minutes, et elle n'avait pas plus de tableau avec elle que moi maintenant. Pia, parle donc. Dis à Don Malvano que tu n'as pas le tableau qu'il cherche. Nous sommes d'honnêtes gens, messieurs. Ma fille avoir volé un tableau. Ah, si mon mari était là, Don Malvano, vous ne parleriez pas de la sorte. » On a bien raison de dire que les mouches s'attaquent toujours aux chevaux maigres et les outragent aux pauvres gens. « Trêve de discours !» interrompit brutalement l'interlocuteur. « Ou la Pia va rendre le tableau qu'elle a pris et que vous cachez tous les deux, ou les carabiniers seront ici dans 1 heure. »« Ils peuvent venir, » répondit fièrement la jeune fille. Elle s'est élevée et vint se mettre entre sa mère et l'archiprêtre, les yeux fixés sur ce dernier bien en face. « Oui, ils peuvent venir et tout fouiller. Ils ne trouveront rien. Je n'ai pas le tableau. » « Vous n'avez pas le tableau, » répéta l'interrogateur dont le visage était hideux de haine. « Prenez garde, nous ne sommes plus au temps de Don Casalta. »« Je le sais bien, » répondit la jeune fille, blanche comme les fils de sa dentelle, avec une sérénité exaltée, et elle reprit. « Je n'ai pas le tableau, c'est tout ce que j'ai à dire. » « Et qui donc là ?» demanda le prêtre. « Nous nous étions rapprochés, la Nove et moi. Il voyait que nous allions nous interposer, et cela redoublait sa fureur. « Oui, » répéta-t-elle, « qui donc là ?» « Celui à qui il appartient, » répondit-elle. Cette énigmatique parole me frappa singulièrement. La jeune fille l'avait prononcée avec une certitude si profonde. Don Malvano, lui, ne parut pas l'avoir remarqué. Quant à la Nove, il regardait la principale actrice de cette scène avec la prunelle aiguë d'un homme qui lutte contre sa propre émotion, qui se défie et qui voudrait bien n'être pas la dupe d'une habile comédie. J'estimais que le moment était venu d'intervenir et je commençais de parler à l'archiprêtre, d'abord avec ménagement, puis, comme je le trouvais insensible à toute délicatesse, avec la sévérité la plus caractérisée. « Non, lui disais-je, je ne vous laisserai pas torturer davantage cette jeune fille. Vous voyez bien qu'elle ne vous ment pas et qu'elle n'a pas le tableau. Vous voyez aussi que sa mère ne savait rien. Allons-nous-en d'ici, et tout de suite. Vous pouvez envoyer prévenir la police, mais je vous préviens, moi, que s'il y a un procès, je déposerai. J'étais à San Spirito in Val d'Elsa par hasard, voici 10 ans, lorsque Don Casalta a reconnu la valeur de ce panneau. Je sais qu'il lui avait été légué par un sien parent, un chanoine de San Gimignano. Il s'agira de voir le testament du défunt archiprêtre, et à qui appartient cette peinture. Monseigneur l'archevêque de Sienne sera sans doute très édifié d'apprendre ce que deviennent les objets d'art dans les églises de son diocèse. « Le tableau appartient à San Spirito, » répondait Don Malvano, « et je suis seul juge de ce qu'il convient de faire dans l'intérêt de la basilique. » Combien de temps cette discussion se fut-elle prolongée? Eussé-je réussi à terroriser l'équivoque et brutal personnage et sauver la Pia de toute poursuite ultérieure? Un événement très inopiné vint interrompre brusquement et cet entretien et mes efforts d'une façon si émouvante qu'encore aujourd'hui l'attendrissement me saisit au souvenir de ce qui me fut révélé à cette minute, et lorsque je songe à l'asile où la jeune fille s'était avisée de cacher son pieux larcin. Ce fut d'abord un appel jeté par une voix de femme. « Un Don Malvano, la peinture est retrouvée !» qui nous arriva des cyprès et nous fit tous tressaillir. La Pia de terreur, l'archiprêtre de joie, moi de pitié, et mon compagnon. Savais-je seulement ce qui s'était passé durant cette scène dans l'âme de ce complexe Lanov, de ce Parisien blasé et cependant demeuré si artiste, de ce corrompu mais si délicat de nerfs et si sensitif? Presque aussitôt nous vîmes apparaître, sur le seuil, l'abominable servant de Don Malvano, la face emperlée de sueur à force d'avoir couru, une sueur qui roulait sur sa peau luisante en lourdes gouttes noires. Elle s'essuyait le front d'une main, avec un pan de sa jupe rouge, relevé sur quel jupon. De l'autre, elle tenait le tableau cherché et elle disait « J'ai continué de questionner le cocher, moi. Il m'a bien fait voir par où cette Pia. » Elle disait « Piaccia » pour accentuer son mépris. C'était sauvé. Un petit garçon l'avait vu, qui courait vers la chapelle, où il est le tombeau de Don Casalta. Elle avait fait la chose si vite qu'elle n'avait seulement pas bien refermé la grille. J'ai pu entrer. Elle avait caché le tableau derrière le petit autel. Le voici. Ah, la voleuse. « Voulez-vous bien vous taire ?» interrompit Lanov d'une voix impérieuse. C'était la première parole qu'il prononçait depuis ce mortel quart d'heure. Je sentis frémir dans son accent une irritation indignée, et tirant de son porte-monnaie un billet de 10 lires qu'il mit dans la main de la femme stupéfiée. « Voulez-vous bien vous taire ? » reprit-il. « Tenez, voilà pour vous, puisque vous avez retrouvé mon tableau. Donnez-le-moi et allez-vous-en. Vous m'entendez ? Et tout de suite. » Il prit la peinture sans que la paysanne interloquée pensât seulement à lui répondre. « Et vous, Don Malvano ? » ajouta-t-il avec une politesse glacée en se tournant vers le prêtre. « Il ne me reste qu'à vous remercier de toute la peine que vous vous êtes donnée. Adieu !» insista-t-il, en coupant court à une phrase où l'autre ébauchait une vague invitation à nous rafraîchir. « Nous n'avons pas le temps. Adieu et merci. C'est moi qui me charge de parler à cette jeune fille. » Don Malvano et sa digne chambrière avaient quitté la ferme, emportant l'un ses 750, l'autre ses 10 lires, et nous étions restés seuls en face de la mère qui gémissait. « Jésus-Maria, Jésus-Maria, est-ce possible ?» et de la fille qui regardait Lanov sans honte, d'un beau regard fier, de bravade et d'aversion. Celui-ci fit un visible effort, puis brusquement il me dit « Vous savez mieux l'italien que moi. Voulez-vous me rendre le service d'écrire ce que je vais vous dicter en le traduisant ?»« Mais y a-t-il une plume, de l'encre et du papier ici ?» Puis, quand j'eus transmis sa demande à la mère, qui, littéralement terrorisée, m'apporta comme dans les comédies tout ce qu'il faut pour écrire, je m'assis à la table en disant à mon camarade « Dictez, je traduirai à mesure. » Et il commença. Moi, Bernard de Lanov, demeurant à Paris, 20 rue de Marignan, je déclare avoir restitué à Mademoiselle Pia. Comment est son nom de famille ? Beltrami, dit la mère interrogée de nouveau par mon interlocuteur. Beltrami, reprit Lanov, un panneau représentant le jeune Tobie et les trois anges, tableau qui m'avait été cédé par Don Malvano, archiprêtre de San Spirito, pour une somme de 750 lires, dont le reçu 6 juin. Puis, saisissant la plume, « Donnez que je signe et que je date. Est-ce en règle ?»« Lanov, » fis-je vivement, « voulez-vous prendre ma main et accepter toutes mes excuses pour la façon dont je vous ai parlé tout à l'heure ?» Il me regarda. J'avais dû toucher en lui un point bien sensible car il hésita. Mais il était dans une de ces secondes où les cordes hautes de notre nature ont été remuées trop fortement pour que tout l'être ne rende pas une vibration de générosité. Il serra ma main en me disant, avec un sourire d'ironie et d'émotion, où je retrouvais le boulevardier, « C'est oublié. Promettez-moi seulement de ne pas raconter au cercle ce qui nous est arrivé. On me prendrait pour un jobard. Je le suis peut-être. Mais cette petite-là priera quelquefois pour moi. Cela ne fait jamais de mal. Et puis, voyez ses yeux, et comme elle est heureuse. Et d'une voix profonde, vous savez, c'est si bon quelquefois de se prouver à soi-même que l'on vaut mieux que sa vie. » Ainsi s'achève La Pia de Paul Bourget.